côté. Coup de pute, tout coup de matraque, truc Trafalgar. Ça fait beaucoup de pute chaudard, c'est dur d'éviter le traquenard. Ne cherche pas, si vas-y cherche comme c'est touchant. Tu verrais même pas le bout de ton nez, même en louchant. Étrangement, on y voit plus clair en débranchant. Sauf que la pilule et la matrice sont devant tes yeux, l'enfer. N'est pas sur ta playlist, c'est seulement quand le diable frappe à ta porte que tu te rends compte qu'il existe. Ah, petite pute top modèle internet, me pose pas de questions, mon intellect en verra te faire mettre. Bim, range ton high kick, offre un geek. Si y'a de minique manière, y'a guerre, c'est la cri-cri. Les petits, tu rends fourraillé comme au statès. Je suis vu comme Barthes, regarde le ciel du milieu de la tête. C'est par un cercueil car personne s'y mettra dedans. Mieux vaut tard que mieux, mieux vaut s'y mettre à temps. Quoi, je suis comme toi, moi, je veux la peine en mes rêves. Une bille jetée depuis longtemps. Les chiffres changent mais le flow est toujours aussi fondant. Coupe la poire en deux, même en quatre quarts, c'est la hesse. Je regarde le béton sous mes pieds, du milieu de la tête. Rip et replay, mets le monde à l'envers. En fait on fait partie du même cancer. C'est à quel moment que je m'enterre, je serre un grand verre. Mon beau cerf prend l'air. La véritable intelligence est de donner sans faire transfert. J'ai les baskets qui gigotent, à peine ça chicote qu'il chipote. Attention car la date de péremption est périlleuse. La terre tourne mais avec tout ce que je lui mets, faudrait quand même aller vérifier. L'espoir fait vivre autant qu'il peut tuer. Humain impétueux, détruit tout ce qui pourrait la peurer. J'ai craqué la terre sous mes pieds tout comme toi ma gueule. La gaule du Gaulois, car le soldat finira seul. Ça se barre en couille sur les petits dunes. Sur le banc tu voudrais être titulaire. Si t'as tenté t'as pris du fer. Quelle est la valeur d'une vie humaine? Qui fout la merde, qui n'a rien à perdre? Si c'est la guerre qui ne va pas la faire? Qui me donne l'arme pour me battre avec? C'est pas l'affaire. Le monde se barre en couille, partira encore plus en couille une fois qu'on leur a tous dit. Esquive les flics pour foutre le souk à tout prix. Le bien et le mal ne sont plus séparés. Tu crois qu'il y a un dysfonctionnement et tu crois que tu peux encore le réparer. J'ai repéré les falches, faux culs, poucaves qui croundavent le mort. Entre transacts dans des sacs de sport. Une flaque de chlore ne fera rien disparaître. Une matraque de porc dans le cul de l'état pour qu'ils arrêtent. Faut investir un gilet car les salopes sont partout. Gauche, droite, ils se retrouvent tous dans les mêmes partous. Avenue Jean Moulin, c'est pas Georges 5. S'il y en a un qui chicane, j'en égorge 5. Change le micro, je viens de le fracasser. Je les soulève tous, moi et mes bras cassés. C'est le bordel planétaire, tente ta chance au jeu. Les choses se jouent à si peu pour voir la France en feu. Ça se barre en couille sur les petits dunes. Sur le banc, tu voudrais être titulaire. Si t'as tenté, t'as pris du fer. Bleh, quelle est la valeur d'une vie humaine? Qui fout la merde, qui n'a rien à perdre? Si c'est la guerre qui ne va pas la faire, qui me donne l'arme pour me battre avec, pour voir le monde pendu par la tête.